Bienvenue dans cet épisode de Cargo Cult. Je suis extrêmement heureux de vous faire partager. Parce que finalement, parfois, à la chasse du culte, on arrive à trouver du culte dans le culte. Et le disque que je vais vous présenter aujourd'hui est un de mes disques de chevet depuis toujours, ou presque, depuis 1984. Et j'ai toujours considéré ce disque comme un classique, finalement. Pour me rendre compte qu'en fait, il n'est pas du tout un classique, c'est même plutôt un disque oublié. C'est pas du tout un disque qui a été récupéré par la hype. Il n'y a pas de chronique branchée dans Pitchfork dessus. Et pourtant, c'est quand même un personnage majeur qui est derrière et qui n'est pas non plus un total inconnu. Alors oui, voilà, je lâche l'information. On va parler de Morgan Fisher, spécialement de son album Ivories. C'est un disque très étrange parce qu'il est fait en 1972, mais il va paraître en 1984. Il va se passer 12 ans entre le disque et l'édition. Et en fait, dans ces 12 années-là, le disque va gagner en petits ajouts, qui sont d'ailleurs des micros ajouts, mais qui vont en fait totalement repositionner le disque dans un espèce de disque assez... Totalement proto-punk et totalement irrévérencieux pour les années 70, dont Morgan Fisher est pourtant un des immenses zélateurs, un des grands musiciens de l'époque. Alors, je vais revenir un petit peu dans le détail sur ce qui nous amène aujourd'hui. Soyons francs, le disque est clairement invendable en 1970, mais clairement. Et d'ailleurs, il ne va pas se vendre beaucoup plus en 1984, croyez-moi, l'histoire le prouve finalement. Et derrière ça... un producteur, musicien, absolument brillant, un peu trop bon d'ailleurs finalement, Morgan Fisher lui-même. Et l'histoire de ce disque totalement improbable, bah écoutez, la voilà, et on va passer par un petit CV du bonhomme, parce qu'on va entendre un disque, vous allez voir, qui est complètement, qui est truffé de citations, mais qui est en même temps totalement martyrisé par des manipulations de concrète. On est vraiment dans une forme d'électro-acoustique trash, avec des tape loops en furie, des pianos accélérés, des pianos 78 tours, des pistes en 78 tours, en fait, au-dessus de ces pianos, des craquements largement mis en avant, mais avant même que Christian Marclay en fasse une espèce de dogme esthétique, si vous voulez. Donc il y a une avant-garde permanente dans un album, et dans deux d'ailleurs, parce qu'on évoquera finalement en deuxième partie d'émission, et peut-être pas en entier cette fois-ci, un deuxième album assez fabuleux de Morgan Fisher, qui lui s'appelle Hybrid Kids, qui paraîtra en 79. Mais il y a dans toute cette espèce de fatras, se fait une cohérence assez virtuose, par quelqu'un qui n'était pas totalement destiné au camp de la manipulation, au camp du low-tech. Alors, qui c'est Morgan Fisher? Un Anglais d'origine qui, très jeune, va commettre le carton plein. Il est un des membres du groupe Love Affair. Alors, c'est un groupe extrêmement éphémère, mais qui va signer en 1967 le single Everlasting Love. Everlasting Love, la la la la la la la la la. C'est un carton gigantesque, gigantesque, gigantesque. C'est numéro un dans les charts anglais pendant plusieurs semaines. C'est énorme. Mais c'est extrêmement éphémère. Et le groupe Love Affair, avec son nom un peu tartoun que même n'avait pas choisi, a absolument pas envie de poursuivre sur cette voie-là. 1967, on est déjà dans les prémices d'un psychédélisme. Ouais, c'est même plus tout à fait les prémices, mais d'ailleurs. Et puis on va chercher à s'aventurer dans des aventures volontiers plus progressive rock. C'est exactement ce que va faire Morgan Fisher. Donc Love Affair aura finalement une vie un petit peu éphémère. Morgan Fisher, c'est un clavier. Il joue de l'orgamon avec Love Affair, mais enfin, il maîtrise pas mal d'autres claviers. Et c'est un gars qui va s'intéresser assez vite aussi à la production. La vraie carrière, si j'ose dire, de Morgan Fisher va commencer un petit peu après, et notamment se faire illustrer dès 1972, avec le groupe, mais il y aura un album du même nom, donc évidemment on peut se tromper, Morgan. Morgan comme Morgan Fisher, comme son prénom. Donc on aura bien compris que ça s'articule autour de lui. Et pour le peu, Morgan est l'archétype, voire le parangon du groupe progressive rock début 70s. Plein de fulgurances, mais vous n'aurez pas échappé que le progressive rock s'est ringardisé encore plus vite qu'il n'était apparu. C'est-à-dire que les groupes progressive rock de 1970 sont déjà ringards en 76, voire avant, ce qui est difficile à admettre. Surtout pour quelqu'un comme Morgan Fisher, et qui du coup va multiplier les apparitions, et plus qu'encore que des apparitions, c'est des incarnations. Parce que l'album que vous allez entendre là, Everett, est lui aussi fait en 1972. Et il profite d'une aparté, en fait, où Morgan tourne en Italie. Ça marche très bien. Ça marche très très bien. Et en plus, ils occupent les studios RCA, qui sont basés à Milan. Ils travaillent dans d'excellentes conditions. Des conditions tellement bonnes que Morgan Fisher lui-même garde le studio. Il continue à travailler dedans pour des petits projets personnels, mais sans, à la limite, sans prétention. Et pourtant, c'est probablement ce qu'il fera de mieux à cette époque-là, et c'est ce qui est la teneur de l'album qu'on va découvrir. Il se trouve qu'en 1972, et puis dans ces créneaux-là, Morgan Fisher va aussi, parce que c'est un requin de studio, c'est une forme de sideman, c'est quelqu'un qu'on recherche, même s'il est plutôt, finalement, habituellement dans l'ombre. Et ça va être le cas avec plusieurs groupes, mais il y a deux groupes dans lesquels Morgan Fisher va avoir un rôle assez pilier. En tout cas, un où il va être un pilier éphémère, mais je vais le nommer quand même, c'est Third Ear Band, le groupe de la troisième oreille, Third Ear Band. C'est dur à prononcer. C'est un groupe culte, on pourrait y revenir pour lui-même aussi. Là, pour le peu, on était, je pense, dans l'une des formes de progressive rock les plus alambiquées et clairement les plus expérimentales de l'époque. D'ailleurs, aujourd'hui, les albums de Third Ear Band sont classés dans le camp expérimental. On ne peut pas leur mettre l'étiquette progressive rock dessus. Et Third Ear Band vous aura peut-être marqué à travers des bandes originales de films. Il signe l'excellente BO du Polanski, du Macbeth, adapté par Polanski en 74 ou peut-être 75. Voilà, mais revenons à Morgan Fisher, qui va pas être un très longtemps un pilier de Third Ear Band, mais qui par contre va joindre, dès l'album dont je parle aujourd'hui fini, un groupe absolument majeur, anglais, en tout cas majeur, populaire, à ce moment-là. Parce que pour le peu, j'en ai jamais fait un classique des ma discothèque, loin de là. C'est le groupe Mott the Hoople, fameux groupe donc, qui se constitue en 1969, qui va mélanger une forme de blues rock, des voix à la Dylan, mais avec une musique qui est clairement dans ce que est en train de se faire le glam rock, quoi. Et de plus en plus, Mott the Hoople va devenir une forme de paradigme du glam rock, un concurrent à Roxy Music, mais avec plus de un peu plus de blues, un petit peu plus de hargne. Et Morgan Fisher rejoint le groupe là en 1974. Alors la comparaison que je venais de faire d'ailleurs de manière pas tout à fait volontaire, mais je la trouve finalement opportune avec Roxy Music est tout à fait sensée. Roxy Music, si vous en rappelez bien, c'est un groupe qui va se constituer autour de Brian Ferry, mais avec quand même des figures de musiciens absolument formidables, et notamment Brian Eno. Brian Ferry aura tôt fait de mettre de côté Brian Eno, qui était le gars aux machines, le gars au clavier, qu'on n'était pas censé voir, et puis qui est en train de lui voler la vedette. Et ça, ça passe pas. Et bien, il va se passer quelque chose de relativement similaire, mais inverse, avec Mott the Hoople et l'intronisation au clavier donc de Morgan Fisher dans la bande. Puisque le groupe est déjà constitué quand Morgan Fisher arrive, et Morgan Fisher va remettre à plat pas mal de choses. Et cette remise à plat, elle est d'autant plus favorisée avec Mott the Hoople qu'en fait, à partir de 1974, Mott the Hoople devient le groupe Pygmalion d'un certain David Bowie. C'est les années où David Bowie, effectivement, s'empare de ses idoles. Il le fait au même moment avec Iggy Pop, il l'aura fait un tout petit peu avant avec Lou Reed, et il le fait en Angleterre avec Mott Zuppel. Il le fait d'autant plus qu'il a signé des chansons pour eux, donc pas seulement produire le disque, mais signer carrément une chanson. Un des anthems, finalement, de cette forme de glam rock, que j'ai envie d'évoquer dans une manière un petit peu étendue, exactement comme le fait Simon Reynolds dans son livre Le choc du glam. Je vous recommande de lire ça, c'est absolument passionnant, même si vous n'êtes pas un fan de glam rock du tout. C'est édité en France par les éditions Audimat, c'est assez récent d'ailleurs, et c'est extrêmement riche justement sur ces périodes un peu ambigu, hein, finalement, que son glam, et spécialement autour des incarnations et des groupes Pygmalion de David Bowie du début des années 70. Donc, moi, The Open est en plein ça. Et il se trouve que le chanteur de mode The Open, la figure centrale, Ian Hunter, reconnaissable à ses grandes lunettes de soleil, façon Ray-Ban de flic américain, voilà, il n'en fallait pas plus pour avoir un look de rockstar à l'époque, plus une grande chevelure frisée, lui, il va quitter le groupe. Donc, il y a une déliquescence du groupe dans laquelle Morgan Fisher va tenir lieu de commentateur, d'archiviste. Et il s'avère que c'est tous les incidents de parcours qu'il va y avoir, parce qu'en fait, il va y en avoir plein dans le groupe à ce moment-là, vont être entre guillemets, documenté par Morgan Fisher, qui va truffer l'album dont je parle d'aujourd'hui de micro-références, de petites prises ratées dans les studios sur ce disque initialement écrit, composé en 1972. Alors j'espère que je suis clair, parce que ce n'est pas si simple à suivre. 1972, un disque est fait. Il doit même sortir sous le nom de And Job of Morgan Fisher. Morgan Fisher and Job. J'ai besoin de traduire. Oui, c'est ça, c'est un travail de la main. C'est celui-là, voilà. Or, ce ne serait pas beaucoup plus vendu avec ce titre-là, Morgan Fisher le dit lui-même aujourd'hui. De fait, il sortira donc en 1984 avec ce nom Ivories. Il s'avère qu'entre le projet initial et Ivories, il y a 12 ans qui se passent, mais il y a surtout ces petites snippets, ces tout petits échantillons et implantations comme ça, documentaires, qui vont truffer le disque. Et c'est absolument là que le disque prend une tournure totalement géniale. Parce qu'on est du coup, il y a toute cette expérimentation concrète, mais c'est une expérimentation concrète un peu low-tech finalement qui prend le pas et qui se mélange à des références le plus souvent hermétiques, hein, pour le plus grand nombre, et qui va croiser aussi plein d'hommages, plein d'ironies sur la pop musique. Je reviens justement à Mott The Hoople. L'album va s'ouvrir avec une reprise totalement exacerbée et accélérée du titre phare de Mott The Hoople, All the Young Dudes. All the Young Dudes, c'est Bowie d'ailleurs qui écrit la chanson pour eux. Enfin, le pire, non, c'est mieux que ça. La chanson n'est pas écrite pour eux. La chanson All the Young Dudes est en fait un rebut des années Ziggy Stardust. Pour une raison qui est impossible à définir, ce morceau qui est un tube gigantesque avait été mis de côté par Bowie. Il ne le sentait pas dans Ziggy Stardust and the Spider from Mars. Du coup, il refile le bébé un peu plus tard à Mott The Hoople et Mott The Hoople en fait cet étendard de la génération glam, si vous voulez, ou en tout cas proto-glam. Et reprise donc de cet étendard, mais alors totalement souillé, totalement accéléré, abîmé par les scories d'un disque 78 tours qui passe à fond la caisse. Et l'album Ivories, il est encadré par ça. Il est encadré par ces All the Young Dudes qui durent moins d'une minute, ça dure 50 secondes, et une autre reprise qui est Roll Away the Stones. Qui, pareil, s'emballe en 78 tours. Et au milieu de ça, donc, l'album, on va dire le vrai album, qui est plus ou moins structuré autour d'un morceau phare, Il y a un morceau qui a plusieurs variations. Le morceau s'appelle Sleeper. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Le morceau est fabuleux. Le Sleeper 1 est la bande-son parfaite d'un film de Jacques Tati. Morgan Fischer disait qu'il aurait rêvé que ça devienne la bande-son d'un spot publicitaire de la SNCF. Mais c'est vraiment ça. C'est le petit train qui s'en va dans la colline, mais avec des envolées de piano, des accélérés, des glissando pas possibles, des effets de bande superbes, plus une électronique savoureuse. J'allais dire savante. Non, elle est plutôt savoureuse que savante. Parce qu'elle n'est pas forcément high-tech. Et c'est un paradoxe constant chez Morgan Fischer. C'est que c'est quelqu'un qui a accès aux meilleurs studios du monde. C'est quelqu'un qui aura travaillé à Abbey Road. Mais c'est aussi quelqu'un qui va faire de la musique en chambre. Et d'une façon peut-être beaucoup plus géniale et intuitive finalement que dans les grands studios. Voilà. Et le disque continue, si vous voulez, avec ses citations. Sleeper n'arrive pas tout de suite d'ailleurs. Il y a très très vite un morceau qui s'appelle Serial Music. Oui, écoutez bien, Céréal Music, comme les céréales du petit déjeuner. Mais évidemment, il faut entendre là-dedans musique sérielle, parce que c'est clairement un hommage et plutôt un pied de nez aux musiques sérielles. Il y a notamment une voix, parce qu'il associe justement le sérialisme et ce côté extrêmement sérieux de musique comme ça, de très académique, un peu hermétique, à la France. Le coquin de Morgan Fischer. Et du coup, pour remuer le couteau dans la plaie un peu davantage, et faire encore plus anti-boulésien que les punks, il donne une voix française à ce titre-là, en imitant le commandant Cousteau. Et en faisant une description totalement loufoque, en fait, dada, des choses pas forcément compréhensibles. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de titres, notamment un titre qui s'appelle Dance. Il vient bien plus tard. C'est le plus long, il dure 9 minutes et demie. Et alors, malgré son titre qui penserait nous suggérer comme ça la danse, c'est plutôt un disque ambiante et qui va clairement annoncer ce que fera dans la deuxième partie de sa carrière Morgan Fischer à partir du milieu des années 80, en fait. Et je propose qu'on y revienne, d'ailleurs, après l'écoute de ce disque. Donc, voilà un petit peu prévenu de ce qui structure ce disque. J'ai laissé en plan des aspects assez essentiels du CV de Morgan Fischer. Je pense que j'y reviendrai un petit peu après, parce qu'ils sont essentiels. Mais cela dit, pour la compréhension de cet album, je pense vous avoir donné un petit peu les clés. Il est beaucoup moins hermétique qu'il n'y paraît, en fait, parce que c'est surtout un album jouissif, extrêmement contaminatoire, plein de références fabuleuses. Et il est intéressant que ce soit finalement quelque chose qui sorte absolument du carcan tout petit peu coincé du cul dans lequel on aurait pu mettre Morgan Fischer à cette époque-là. Bonne écoute et bonne découverte donc de ce disque, Ivories, en 1972, et miraculeusement sorti des décembres et animé en 1984. Pensez donc un disque déjà avec deux années de naissance différentes. C'est fabuleux, non ? Regarde les poissons se rire à nous, Et avec l'assistance et résistance de Jacques Lussier, je fêtais une craque et mange Henri et les poisons. Cet spectacle scientifique mystérieux à Podolphalme est très vague comme cet disque. Les avant-dernières pensées devaient choisir le grand de pipette et de baguette et souvent prendre leur microscope entre deux mers et avec quelques herbes. Mais oui, entre les étoiles, mes enfants, le nom c'est macabre 520 ans ou 20 ans. Oui, Y, piaf, les prestidigitateurs se lèvent au ciel. Cervico et Masalia changent à bleu. Clair, bleu, lac, clair, bleu, lac. Clair, bleu, lac, clair, bleu, lac. Clair, bleu, lac, clair. Au-dessus, les sortilèges. Thank you. Thank you. Keep your foot on it. I love it. You got it, haven't you? That's all right, okay. Keep going, Ralph. Ralph! Guys, beautiful! the sleeper. Thank you. You know, it's something new, you know. And like I played piano for what, 14 years, you know, and and I do organ. We've got an organ home, a Hammond B3000. Oh, great. And like I could do anything on that thing. The organ is like a anything compared to a piano, because a piano, like I like trying to take the sounds of the organ and try and do them on a piano, and it's harder, you know, but it's more fun, like you learn a lot. It's something new, you know. And like I played piano for what, 14 years. You know, and I do organ. We've got an organ home, a Hammond B3000. Oh, I mean, like I could do anything on that thing. The organ is like anything compared to a piano, because a piano, like I like trying to take the sounds of the organ and try and do them on a piano. It's harder, you know, but it's more fun. Like you learn a lot. It's something new, you know. And, like I played piano for what, 14 years. You know, and the organ, we've got an organ home, a Hammond B3000. And like I could do anything. The organ is like anything compared to a piano, because a piano, like, I'm trying to take the sound of the organ and try and do it. Thank you. Thank you. You wanted it! You wanted it! You wanted yes, and you bloody well got it! I think we're getting into the realm of the... Et jusqu'au dernier craquement. Ouais, ce disque est peut-être pas plus vendable aujourd'hui qu'il l'était hier, en 1972, quand il est conçu, et puis surtout en 1984, quand Morgan Fisher donc, donne la touche finale sur son album, et notamment cette touche finalement complètement cradingue, c'est-à-dire les craquements de disques 78 tours qu'on vient d'écouter, ces documentations finalement par non officielles, hein, complètement par-dessous la jambe de ces années de claviériste aux côtés de Mott et Opel. Et quand le disque est finalisé, donc en 1984, ben en fait Morgan Fisher il sort d'une tournée avec le groupe Queen. Oui, Queen. Freddie Mercury et Queen. Et ce que je gardais pour la fin, parce qu'effectivement, tout ça paraît incroyable, c'est que Queen, en fait, c'est Morgan Fisher. Alors écoutez-moi bien, je ne dis pas n'importe quoi. C'est-à-dire que le premier groupe de Morgan Fisher, en tout cas celui, pardon, le deuxième, parce que la généalogie et le CV de Morgan Fisher sont extrêmement complexes, mais son groupe finalement officiel, Morgan, bah, c'est constitué de rien d'autre que des membres de Queen et de lui-même. Alors les membres de Queen, mais alors moins évidemment celui qui allait faire de Queen le succès qu'on connaît et la bête de scène qu'on connaît, c'est-à-dire Freddie Mercury. Donc ça effectivement c'est une deuxième vie de Queen et qui n'a plus rien à voir avec Morgan Fisher, si ce n'est que pour une tournée mondiale, enfin qui est une tournée qui est donc qui est de tout 1982, et je crois aussi une partie de l'année 1983, a amené Queen dans les quatre coins du monde, Europe, Asie, USA, etc., etc. Et donc Morgan Fisher s'y est attelé de main de maître, hein, recruté comme finalement l'homme providence, et finalement un retour aux sources du groupe. C'est intéressant parce que la carrière de Morgan Fisher, elle est constellée aussi comme ça de features de luxe. Et puis notamment au Japon, où il a élu domicile à partir du milieu des années 80. Et c'est là d'ailleurs qu'il va trouver peut-être une carrière définitive, qui va l'amener à largement tempérer ses ardeurs, il faut le dire, sortir des disques assez ambiantes. Alors une ambiante un peu japonaise, vous savez, cette ambiante presque trop jolie, pour être honnête, comme on le faisait à l'époque, surtout au Japon, au milieu des années 80. Mais alors, quand même, pour le peu, avec un franc succès et des œuvres ambitieuses. Notamment, Morgan Fisher croisera le théâtre, croisera des spectacles quasi multimédia, même si le mot n'était pas trop sur les lèvres au milieu des années 80. Il continuera sur cette voie-là. Il va prêter son art à énormément de publicités, de musique de films locales, hein, tout ça très au Japon. Donc, finalement, Morgan Fisher est devenu un artiste japonais. Par contre, il a été un petit peu oublié du reste du monde et je trouve que c'est fort dommage. Et quand bien même la carrière essentielle, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui de Morgan Fisher, finalement elle s'articule autour des années 80, enfin à la fin des années 70, au début des années 80, c'est là qu'elle prend forme. Cette jeunesse que nous écoutions avec ce disque de 1972, effectivement, est complètement prémonitoire, mais j'insiste sur le fait que la finalisation, c'est quand même 1984. Et entre-temps, Morgan Fisher va laisser quelques marques assez fabuleuses, voire inénarrables. Je le disais, Morgan Fisher, c'est quelqu'un qui a assez peu d'équivalents, en tout cas, j'ai envie de dire peu d'équivalents en Europe. Et il y avait un groupe totalement alter ego, d'une certaine manière, avec Morgan Fisher, et c'est des gens qui d'ailleurs vont se rencontrer et travailler ensemble, c'est les Residents. Les fameux Residents de San Francisco, qui ont multiplié les concepts albums, mais surtout qui ont usé de cette proto-électronique aussi dans le sens où l'utilise Morgan Fisher. C'est-à-dire avec des références dadaïstes totalement explosées, mais une maîtrise du studio, des manipulations de bands, des tape effects, et puis des premiers synthés. Sur le disque qu'on écoutait là, les experts ont reconnu un synthé qui était assez à la mode à l'époque. Alors à la mode, attention, il ne se trouvait pas à tous les coins de rue. Mais c'est le fameux synthé qui avait été développé en Angleterre au sein des Radiophonic Workshop. C'est le VC3. Et c'est ce synthé valise, vous savez, qui était finalement des premiers synthés portables. Synthé absolument magnifique, entièrement modulaire, il n'y a pas de clavier dessus, mais qui permettait des expressions totalement hallucinées. On en a une démonstration assez pas dégueulasse du tout avec Morgan Fisher. Et ça, bah, c'est un chemin qui va garder. À la fin des années 70, à partir de 1978 et sur 2 ans, Morgan Fisher va installer son propre studio à Londres, Pipe Music. Qui va être un label aussi. Ça va donner là à pas mal de disques et de projets ambitieux sur les quelques années qui suivent. Je pense notamment à un album qui s'appelle Slow Music avec le guitariste Lol Coxhill. C'est un très beau disque minimaliste, ambiante, qui met évidemment en avant ce saxo-soprano assez à part qui était celui de Lol Coxhill à l'époque. Et Morgan Fisher va aussi produire une compilation assez mythique aujourd'hui, c'est Miniatures, 51 tracks d'une minute chacune, et à laquelle justement avaient été conviés les Residents, parce qu'il se trouve qu'ils étaient en train d'élaborer le même projet au même moment pour leur album Commercial Album. Croisement d'intention évident. Et du coup, les Residents offrent à Morgan Fisher un inédit qui ne paraîtra pas sur le Commercial Album. Et cet inédit est pas mal parce que c'est We're an Happy Family, titre d'une minute des Residents, et qui est en fait une reprise des Ramones. Voilà, quand je vous disais en introduction qu'on est dans un univers de citations à qui mieux mieux et d'emprunt, évidemment, on l'est en plein. Et c'est avec ça que je vous offre une sortie sur Morgan Fisher. Et son concept finalement le plus réussi, le plus évident et le plus jouissif, c'est Hybrid Kids. Hybrid Kids, c'est en fait une compilation. C'est une compilation avec des groupes comme Combo Satori, British Standard Unit, US Nerds, British Standard Unit, je les ai nommés, les Burtons Go to Town. Voilà, tous ces groupes ont nom absolument fabuleux et qui vous disent probablement rien. C'est absolument normal, aucun de ces groupes n'existe, aucun. Tout cela est un bloublig boulga de prête-nom qui, bien sûr, déguise Morgan Fisher lui-même. D'ailleurs, il leur a tout fait, Morgan Fisher, de révéler le poteau rose et proposer deux Hybrid Kids. Le premier, en 1978, effectivement, est signé par tous ces prête-noms. Quand bien même il est écrit spécifiquement que c'est enregistré et produit par Morgan Fisher. Et ensuite, un Hybrid Kids 2 verra le jour avec que des chants de Noël, celui-là, sous le nom Morgan Fisher. Et Herbie Hancock, bah, ça porte extrêmement bien son nom, parce que ce sont que des covers, ce sont que des reprises, et croyez-moi, ça part à qui mieux mieux. Tenez, je vais vous en livrer deux tout de suite, et d'ailleurs je ne vais même pas vous dire de quoi c'est. Hein. Si vous ne reconnaissez pas ces reprises-là, c'est Pompon Cucu. Hein. Allez, bonne écoute avec les Hybrid Kids. Morgan Fisher, ce projet le plus déconnant, mais attention, il est extrêmement élaboré aussi. Il y a un vrai projet de home studio, pour le peu, hein, quasiment un bedroom studio, parce que là-dessus, il avait totalement quitté les Abbey Road et les grands studios dans lesquels il travaillait, pour concocter finalement ce que vous allez entendre là, avec seulement un magnétophone 4 pistes. Mais un art du copier-coller assez savoureux pour l'époque et même toujours aujourd'hui. High rise apartment at last, he can tell want is hot, man. If you want hot, man. You think I'm sexy? Come on, sugar, let me know. If you really need me, just reach out and touch me. Come on, honey, tell me. They wake at dawn, as all the birds are singing. Two total strangers, but that ain't what they're thinking. Outside it's cold, it's misty and it's raining. They guard each other, neither one's complaining. Ha ha, he says I'm sorry, but I'm out of milk and coffee. Never mind, sugar, we can watch the early movie. Do you think I'm sexy? No. Voilà. Rod Stewart n'a pas du tout aimé cette reprise, évidemment. Il est probable que John Lydon, en tout cas les Sex Pistols, Johnny Rotten, ait davantage apprécié cette fabuleuse reprise de God Save the Queen. Elle vaut au moins l'original. Et quant à la reprise de Rod Stewart, je me permets même de penser qu'elle est meilleure. Le disque, donc vous l'aurez compris, est rempli comme ça de covers plus ou moins respectueuses, le plus souvent irrespectueuses. Mais il y en a une qui est entièrement respectueuse et qui pour moi reste un sommet. C'est celle de Enlightenment, un fabuleux morceau de Sun Ra. Enlightenment, c'était cette chanson de Sun Ra qu'il avait chantée, parce que c'est véritablement une chanson, lors du mythique concert à la Fondation Macht, les nuits de la Fondation Macht, et Shanda Records avait édité cette pièce à l'époque, et c'est un fameux double disque, et qui comprend entre autres une chanson de Sun Ra, pas un titre d'un quart d'heure avec du Moog partout, c'est une chanson. Et il se trouve que j'ai découvert, moi, la reprise avant l'original. Et très peu de temps avant, d'ailleurs. Il se trouve que j'ai dû entendre l'original de Sun Ra dans les mois qui suivaient, quoi. Et il faut vous imaginer qu'au milieu de tout ce fatras de reprises iconoclastes, j'étais convaincu que le Enlightenment de Sun Ra pouvait absolument pas sonner comme ça. Et en fait, si. C'est même un point d'honneur dont est très très très fier Morgan Fisher, d'avoir fait vraiment la reprise la plus au proche, la plus copier-coller de l'original. On pourrait presque appeler ça un sample. Et c'est d'autant plus étonnant que tout le reste du disque, lui, prend une trajectoire complètement opposée. Donc on s'évade avec ce Morgan Fisher qui relit, mais exactement comme un élève réciterait la poésie d'un maître, finalement, sur les strates de son professeur. Voilà une relecture pleine d'amour du Enlightenment de Sun Ra. Et puis, bon, on poursuivra, puisqu'il nous restera quelques minutes, avec deux ou trois reprises, elles, pas piquées des hannetons, et totalement savoureuses aussi. Merci d'avoir été extrêmement à l'écoute de ce disque qui, je le répète, me tient complètement à cœur. Il y a une réhabilitation évidente à faire de Morgan Fisher, et spécialement de ces deux projets-là. Donc, merci d'avoir partagé tout ça avec moi. À bientôt sur Cargo Cult, avec Enlightenment, toujours. The sound of joy is enlightenment. Enlightenment. The space fire truth is enlightenment. Enlightenment. Space fire. Space fire. Sometimes it's music. Sometimes it's music. Strange mathematics. Strange mathematics. Rhythmic equation. Rhythmic equation. The sound of thought is enlightenment. Enlightenment. The magic light of tomorrow. Of tomorrow. Backward. Backward. Others of sadness. Others of sadness. Forward and onward. Forward and onward. Others of gladness. Others of gladness. Enlightenment is my tomorrow. My tomorrow. It has no plane of sorrow. Of sorrow. Hereby. Hereby. My invitation. My invitation. I do invite you. I do invite you. Be of my space world. Be of my space world. This song is sound of enlightenment. Of enlightenment. enlightenment. The fiery truth of enlightenment. Of enlightenment. Vibration. Vibration. Sent from the space world. Sent from the space world. Is of the cosmic. Is of the cosmic. Starry dimension. Starry dimension. Enlightenment is my tomorrow. My tomorrow. It has no claim of sorrow. Of sorrow. Hereby. Hereby. My invitation. My invitation. I do invite you. I do invite you. Be of my space world. Be of my space world. Hereby. Hereby. My invitation. My invitation. I do invite you. I do invite you. Be of my space world. Be of my space world. Hereby. Hereby. Our invitation. Our invitation. We do invite you. We do invite you. Be of our space world. Be of our space world. Hereby. Hereby. Our invitation. Our invitation. We do invite you. We do invite you. Be of our space world. Be of our space world. Want to reach out and touch the world, reach out and see this world, well you can, and the world living best of you. See, a lot of these questions get answered before they're even asked, but we'll go over them anyway. Wanted to know if the change in your music, the sound, and she said you really sound like you have it together now, if that's permanent, and I'm sure it is. Dreams. And dreams, you know, become reality. The first thing is dreams. And dreams, you know, become reality. You was a man who thought he was an owner. But he knew it couldn't last. Juju left his home in Tucson, Arizona, bought some California grass. Get back, left. And this is Reverend Lyons again reminding you that yours truly, Reverend Lyons, will be in service as tomorrow night for that miracle rainbow candlelight service. You make plans to meet me there, and you'll be so glad. So glad you did. So, looking at it from this country, as though English music right now seems to be at a plateau. Things just don't happen to us who love God, to us that have taken our stand, no matter the lot, the course, or the price. Things just don't happen, they're planned. Beautiful poem. We are in the Lord's care, and He plans each step of our life. How many takes did it take to get that down? Sweet Loretta Martin thought she was a woman, but she was another man. Well, all the girls around her said she's got it coming, but she gets it while she can. I was going to ask you something about the guitar playing, at least on that next song we're going to listen to. How is that done at the end? Is it overdub many times, where it starts to build up towards the end of that song? Because it sounds really nice. It starts out very slow. Here's a word on a unique job opportunity. Help People Incorporated is a company of positive thinking people who really get off to helping others. Here's how it feels to be really happy with a job. I don't have any questions to give you from audience people at this point, but they know they can call. After tonight's show at the Tower, you're on to someplace else. Your schedule seems to be pretty busy. And you're looking forward to playing tonight? No, a lot of your fans are. We have a crowd of people here at the station this afternoon trying to get to you. Oh, I like that song. I've always liked it. Praise God, coming, Dan, the master call is coming. Dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, dance on, d Your lips. There's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it, baby. But baby, I know it. Lost that loving feeling. Oh, that loving feeling. You lost that loving feeling. Now it's gone. Oh. Now there's no welcome look in your eyes when I reach for you. And girl, you're starting to criticize little things I do. It makes me just feel like crying, baby. Cause baby, something beautiful's dying. You've lost that loving feeling. Oh, that loving feeling. You've lost that loving feeling. Now it's gone. Gone. Gone. Oh. Baby, I'd get down on my knees for you. If you would only love me like you used to do. Yeah. He has a love you don't find every day. So don't turn away. Baby, I beg you, please, I need your love. Yeah, bring it on back. Bring it on, baby. Bring back that loving feeling. Oh, that loving feeling. Bring back that loving feeling, cause it's gone. Yeah.